Des moyennes. Des bons à rien. Il faut pas de la marde. Oui, dans mon temps, on disait que les Moiriens, c'est du monde qui ramassait les canettes vides, mais on fait des flics sur les Moiriens. Je sais pas pour évrier, mais non, mais je te supporte en tabarnak, par exemple. Ah ouais, je te supporte en tabarnak, Christ. On sait déjà, tout le monde est contre la police policière. En fait, moi, je manifeste contre le concept de la police. Je suis contre le concept de l'existence d'une police dans notre monde. Vous êtes en train de faire classiquement de l'agitation propagande qui consiste à tout mélanger avec des concepts flous en posant des questions stupides. C'est la gang de gang d'Esti. Hochelaga, Centre-Sud, lutte sociale, lutte radicale, scène underground. Qu'est-ce que c'est, gang d'Esti? C'est des chroniques de la vie quotidienne d'habitantes et d'habitants, du monde organisé et du monde désorganisé, les fuckés, les fauchés, les tout croches, mais qui ont souvent le cœur et les idées mieux placées que ceux qui les représentent, à bon entendeur. Gang d'Esti, on est là aujourd'hui pour notre 5e émission. Notre 5e émission qui va continuer sur le thème de l'embourgeoisement. Les émissions précédentes, c'est un thème qu'on connaît déjà, dans le fond, puisqu'on avait commencé ces chroniques avec l'occupation qui avait eu lieu suite à l'expulsion des Lofts Moreau et qu'on avait interviewé des habitantes et des habitants et des personnes présentes en soutien lors de l'occupation. On a ensuite continué avec les organisatrices du Revolution Fest, avec des filles du RACH et du Montreal Sisterhood. Notre troisième émission était sur le Chopunk qui avait lieu à la Déferle dans Hochelaga, espace social anarchiste. Et notre dernière émission sur l'embourgeoisement suite à l'histoire, grande histoire des vitrines cassées dans Hochelaga Maisonneuve qui avait fait beaucoup de remue-ménage dans le quartier. Aujourd'hui, on a décidé d'aller un peu plus loin, géographiquement, un peu plus loin dans la ville. On est allé dans l'ouest interviewer Bobette qui habite au Fatal. Qu'est-ce que c'est les Fatals? C'est une espèce de micro-société fucked up dans l'ouest de la ville. Alors Bobette va nous parler des Fatals et de qu'est-ce qui se passe dans son quartier par rapport à l'embourgeoisement. Et toujours dans cette perspective d'élargir nos idées sur la question de l'embourgeoisement, on est allé enregistrer une conférence de presse qui avait été donnée le 6 décembre 2013 au Cap Saint-Barnabé, toujours après l'histoire des vitrines brisées dans Hochelaga. Et là, vous allez pouvoir entendre plusieurs comités logements, autres que celui du comité bail d'Hochelaga qui apparaissait beaucoup dans la première émission sur l'embourgeoisement. Là, vous allez pouvoir entendre la Petite Bourgogne, le Plateau Mont-Royal et Ville-Marie, donc des comités logements qui s'expriment sur la question de l'embourgeoisement pour pouvoir élargir encore les perspectives de l'embourgeoisement au-delà du quartier Hochelaga-Maison. Et finalement, retour aux origines avec une habitante d'Hochelaga qui va nous ouvrir une porte sur une réalité vécue, la sienne, mais dans laquelle peuvent se retrouver beaucoup d'habitantes et d'habitantes du quartier. Le tout va être rythmé par un Ben qui sont deux frères de banlieue accompagnés d'une grosse crew qui s'appelle Stratégie de Paix, P-P-A-I-X, je précise, avec une toune qui s'appelle Contre-champ. Bonne écoute. Contre-champ. Commençons par parler de la croissance économique, cette course en avant vers la décadence écologique. Toujours plus, le système tiendra tant que la répartition inégale des richesses sera un droit, rien de grave. Rassurez les pauvres, ici on mange pour vous, la fin tue un homme toutes les 4 secondes, vous comptez avec nous. 1, 2, 3, 4, ça fait 1, 2, 3, 4, putain. Alors on est avec Bobette au Fatal. Salut Bobette. Ça fait combien de temps que tu habites ici, puis c'est quoi les Fatals? Ben, les Fatals, ça fait 4 ans que j'habite ici, puis en fait, c'est une communauté de marginales avec plein de genres d'artistes, des musiciens, des peintres, il y a du monde qui ont une shop à tatou, un bar, salle de concert, puis c'est beaucoup généralisé, t'as plein de différents types de musiciens puis d'artistes, puis c'est des lofts d'artistes principalement avec des lofts de jam. Nice. C'est quoi la situation dans Saint-Henri par rapport à l'embourgeoisement? Oh mon Dieu, ça fait dur. Moi, je vois, tu sais, comme, si je compare à v'là 4 ans, c'était pas si pire. Mais là, genre, depuis un an et demi, là, ça va en dégringolade, là. Tu sais, si je prends juste, admettons, la rue Notre-Dame, qui est comme pas mal la rue principale du quartier Saint-Henri, c'est pas mal là qu'il y a tous les commerces. Ben, tout est en train de fermer pour que ça soit des petits quartiers, des petits cafés bourgeois. Parce qu'en fait, il y a tellement de condos qui sont en train de pousser que le prix des loyers augmente. Là, tu sais, je prends comme un exemple, il y avait une bâtisse que c'était une shop à tatou, une animalerie, puis un dépanneur. Puis il y a un condo qui a poussé juste à côté. Puis leur loyer a augmenté de 1 500$ par mois. Fait qu'ils ont tout fermé. Fait que c'est comme ça qui est en train d'arriver partout dans Saint-Henri. Les condos poussent. Fait que les prix des loyers des petits commerces augmentent. Ils ont pas d'argent. Fait que ça ferme. T'as des cafés. C'est juste ça, la sœur des cafés de bourgeois. À 5$ le café, puis à 10$ le panini. Puis en fait, t'as aussi le canal qui est juste un petit peu en bas. Puis t'as le Canada Malting qui est un genre de monument historique qu'ils veulent détruire pour faire des condos. Ils ont construit plein d'édifices à condos tout sur le long du canal. C'est vraiment c'est dégueulasse là. Il y a eu plusieurs occupations liées à ça dans Saint-Henri, dans Hochelaga, dans plusieurs quartiers de Montréal. Est-ce que toi, tu as participé à ces occupations? Ouais, ben, il y a eu une occupation de terrain qui appartient à le très cher Syriacus dans le quartier Saint-Henri au début de l'été, quelque chose de même. Puis ça a duré quand même une semaine là, avant qu'il fasse venir ses goons, puis à peu près pour 10 000$ de budget de police avec l'hélicoptère, toute la patente pour évacuer 30 campeurs. C'était de toute beauté. J'ai fait le cube de Schlag, qui était un petit peu plus hardcore, là, qui était un petit peu plus le fun. Puis, dans Saint-Henri, il y a beaucoup de manifs de soutien pour la création de logements sociaux à cause qu'il y a le Papir qui est situé juste ici à côté. Fait que c'est pas mal ça. Ok, puis pourquoi tu participes à ça, toi? Ben, pourquoi pas? C'est quoi le truc de solidarité qu'il peut y avoir? Par exemple, toi, tu viens de l'Ouest, pourquoi t'es allé faire une occupation dans Schlag? C'est quoi le truc? C'est parce que ça me tient à cœur. Je veux dire, le problème des condos, c'est pas juste dans Saint-Henri, c'est vraiment partout. Fait que moi, où est-ce que je peux amener mon appui? Ben, je vais le faire sans hésiter parce que c'est important de demander des logements sociaux. Là, sinon, on va faire quoi? Allons, parlons de la crise, celle qui frappe de plein fouet emploi et bastion industriel. Admire les beaux côtés de la société contemporaine. La science progresse comme le chômage et le travail temporaire. On finit par rentrer dans les normes. Le travail c'est la santé, demandez aux salariés de France Télécom. Tais-toi, contente-toi de ce que t'as, dont on parle de toi. Tu les nargueras, la prochaine vague de froid. La crise devient l'argument du nivellement par le bas. Ne te laisse pas, c'est la misère dans la cité comme le cheval de Troie. Machine tourne à plein poumon vu ce que nous bouffons. Rassure le troupeau de moutons, c'est pas la crise pour tout le monde. La gentrification dans le sud-ouest, dans Saint-Henri, elle est très brutale, puis elle est très envahissante parce qu'on parle d'un ancien quartier industriel, donc il y a des énormes développements de condos. C'est pas 20 condos à un coin de rue, c'est 600 condos dans l'Imperial Tobacco, c'est 350 au bord du canal de la Chine avec le quai des Éclusiers. Le projet vedette en ce moment dans le quartier, c'est 600 condos sur le site de la Canada Malting, qui est un de nos derniers vestiges industriels, même à Montréal, c'est énorme, la Canada Malting. Et le seul, un peu comme l'Hôtel Dieu, on nous dit la seule chose possible, c'est de faire un développement avec des fonds privés, donc ça devra être des condos. On trouve qu'il y a un manque vraiment réel d'abord d'écoute des besoins des gens, puis aussi de créativité. On est capable d'aller chercher des fonds publics quand la volonté politique est là. Bonjour, je suis Raphaël Lamy du comité logement de la ville de Montréal. Bien sûr, nous on est ici parce que quand on pense à la gentrification, on pense assez rapidement au quartier Plateau-Mont-Royal, quartier symbolique du phénomène. Mais qui dit gentrification ne dit pas nécessairement qu'il ne reste plus de personnes à faible et modeste revenu dans le quartier, notamment sur le Plateau-Mont-Royal. On parle ici en 2002. Pour donner un exemple, les logements familiaux coûtaient 691 $, alors qu'en 2012, ils coûtent maintenant en moyenne 1161 $. Donc, vous imaginez qu'avec de tels loyers, il ne reste pas grand-chose pour pouvoir manger et subvenir à ses autres besoins. Il y a tout le phénomène de la conversion des logements en condos, des gens qui se font chasser de leur loyer par des propriétaires qui contournent la loi. Bonjour. Je m'appelle Éric Michaud du comité de logement de Ville-Marie. Alors, c'est un quartier où beaucoup de gens peuvent constater qu'il y a une explosion de construction de condos depuis à peu près une dizaine d'années. au centre-ville. Les derniers chiffres que j'ai pu obtenir de la ville de Montréal, on parle pour, au cours des 8 dernières années, entre 2005 et 2012, de près de 10 000 mises en chantier juste sur le territoire de Ville-Marie. Et sur ces 10 000 mises en chantier-là, c'est quasiment exclusivement du condominium. Il y a seulement un peu moins de 500 logements qui ont été construits sous forme de logement social, donc 5 % du total. Le reste, c'est du condominium inabordable, de toute petite taille. Et on constate dans plusieurs secteurs, le processus de gentrification amène la démolition d'immeubles locatifs, des fermetures de maisons de chambre, qui sont souvent la forme de logement qui permet aux gens très démunis de demeurer en logement. L'étape suivante, c'est la rue. Depuis plusieurs années, la ville de Montréal n'a pas acquis de nouveaux terrains à des faits de construction de logements sociaux et elle a quasiment épuisé sa banque de terrains qu'elle avait en sa possession. Si on parlait d'égalité des chances allées, un petit débat cliché sur l'excellence. Les quartiers en danger, présentés comme les quartiers dangereux, se sentent peu représentés par ces énarques prétentieux. Parle d'échec des jeunes, mais dites-moi qui croit en eux. Au final, les petits sont aussi ambitieux que le plan d'espoir banlieue. Alors ça craque, les fachos sont morts de rire devant ce sublime gâchis de force vive. Alors toi, ça fait combien de temps que t'habites dans Hochelaga? Ça fait 6 ans. 6 ans que tu habites dans Hochelaga, puis est-ce que c'est un quartier que tu as choisi? Comment est-ce que tu as atterri ici? J'ai choisi le quartier parce que j'aimais l'ambiance. Je trouvais que les loyers étaient pas chers, puis que c'était quand même le fun, tu sais, que c'était... Tu sais, il y avait plein de monde dehors, puis que ça tripait là. C'est un quartier vivant, là. Chez vous, il y a beaucoup de monde qui passe, il y a des chiens, il y a des amis qui se retrouvent, il y a une grosse communauté quand même, soit des gens de passage, soit des gens qui sont là. Je pense que c'est important pour vous aussi de permettre au monde de passer, que ouais, ça puisse exister, que vous puissiez vous retrouver. Ouais. En dehors, je sais pas moi, des bars ou de tous les endroits qui peuvent coûter de l'argent d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que... Là, il y a des condos, un condo qui se construit en face de chez vous. La construction a débuté il y a à peu près un an. Ouais. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que votre situation a changé depuis la construction? Puis, est-ce que vous avez des appréhensions pour quand les logements seront terminés et que les nouveaux habitants pourront investir les lieux? Ouais, j'ai plein d'appréhensions parce que chez nous, c'est quand même un appart à parté. On s'est souvent sur le balcon puis on tripe là. Fait qu'avec les condos qui se font construire, c'est sûr qu'on va finir par se faire crisser dehors parce que les beaux petits bourgeois, ils aiment pas ça voir du monde sous à 4h de l'après-midi qui gueule comme des mongols. Puis depuis que les condos sont en construction, on s'est souvent chicané avec les entrepreneurs parce que, tu sais, on vit différemment, fait qu'on chicanait. Fait que là, c'est sûr que quand les condos vont être finis puis que les gens vont avoir déménagé dedans, ils ont des belles grosses fenêtres vues sur nos balcons. Fait que c'est sûr qu'on pourra plus faire le party comme avant parce que ça marchera pas. Ils vont faire des plaintes. C'est des gens qui ont un pouvoir financier beaucoup plus élevé que nous. Fait que ils vont nous tasser, ils vont nous faire fermer la gueule, dans le fond. Puis chez vous, il y a aussi beaucoup de gens qui sont proches des animaux, qui aiment ça vivre avec un chien, qui aiment ça vivre avec des chats, qui aiment ça pouvoir emmener leurs animaux avec eux. Fait que, encore une fois, ça barre pas mal d'endroits. Ouais. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Chez vous, les animaux sont les bienvenus, les gens peuvent venir avec leurs chiens et tout. Est-ce que ça pose un problème aussi d'être l'ami des animaux quand on habite dans Hochelaga maintenant? Ben, ça commence, oui, parce qu'il y a de plus en plus de la brigade canine, elle passe de plus en plus souvent à check. Elle est là vraiment pour contrôler la population. Elle va contrôler, elle fait du profilage. Certaines personnes n'aiment pas le look. C'est plus eux qui vont viser, c'est plus les gens que ça paraît qui sont comme marginales et pauvres. C'est sur eux qu'ils vont taper, c'est sur eux qu'ils vont donner plein d'étiquettes à profusion, puis qu'ils vont, tu sais, les harceler parce qu'on a moins de recours, on n'a pas d'argent. Quelqu'un qui... Un jeune professionnel. Le jeune professionnel là, qui va se promener, lui, ça paraît qu'il y a de l'argent dans sa démarche. Même si son chien n'est pas de l'Est, c'est pas sur lui que la brigade va donner un ticket, mais le jeune punk qui va marcher à côté avec son chien pas de l'Est, mais là, c'est cette image-là que le quartier veut plus. Fait que c'est sur lui qu'ils vont comme donner des tickets, ils vont le suivre pour trouver c'est où ce qu'il habite. Là, après ça, ils vont appeler la ville, ils vont débarquer chez vous avec le berger blanc, l'inspecteur de la salubrité, puis tout ça. Puis là, ils vont te faire pression, genre, tu sais, pour que tu te débarrasses de ton animal. Mais comme tu veux pas t'en débarrasser, je déteste dire ce mot-là, mais là, après ça, ils vont me donner un délai de 10 jours pour remédier à la situation. Fait que là, t'as pas le choix de t'en aller, t'as pas le choix de crisser ton camp, parce que sinon, ils vont débarquer chez vous puis ils vont te saisir. Mais c'est plate parce que c'est quand même le fun de se retrouver avec une grosse gang avec des chiens, parce qu'on peut pas aller nulle part. Sinon, on peut pas aller dans un parc parce que la police elle vient nous tasser de là. On peut pas, on a nulle part à aller avec nos chiens. Fait que c'est quand même con de perdre notre espace chez nous pour pas qu'on se fasse crisser dehors, d'empêcher de monter avec leurs animaux. Il y a des étiquettes qui sont colossales pour les gens qui répondent pas aux exigences de la brigade canine. Ouais. Ah ouais, les amendes là sont extrêmes. Là. Comme l'étiquette, ça va de 100 à 300 la première fois. La deuxième fois, c'est de 300 à 500. Puis là, après ça, pour toute autre récidive, dans le fond, ben là, ça peut aller de 500 jusqu'à 1 000 $. Qu'est-ce que ça vise le bien-être de l'animal, finalement? Parce que c'est ça la question qui est importante, c'est de savoir si l'animal est bien traité par son maître. Moi, je pense qu'un animal qui est bien traité, ben il va marcher pas de laisse à côté de son maître, puis il va être heureux. Ça, c'est un animal qui est bien traité. Parce qu'un chien qui est pas bien traité, si tu enlèves sa laisse, il va partir à courir dans l'autre sens. Il te suivra pas. Fait que, tu sais, ça vise pas vraiment le bien-être, parce que quand ton chien il est bien, ben il est heureux de marcher avec toi. Fait que laisse pas de laisse, il va te suivre. Puis c'est ça la représentation d'un chien qui est bien. Fait que leur étiquette disant que un chien est bien seulement s'il est en laisse, ben c'est ridicule, ça a pas de sens. C'est juste pour faire des pressions, pour faire peur au monde. C'est une loi de peur là, dans le fond, puis ça fonctionne. Et toi, dans le fond, ta perspective par rapport aux animaux et d'avoir des animaux amis, c'est aussi une perspective du monde qui vit ou qui a vécu dans la rue et qui, du coup, développe un rapport particulier à l'animal. Ouais. Ben, comme moi, ma chienne, je l'ai eue quand j'étais dans la rue. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu passes 2 heures, 24 heures sur 24 dehors, dans la rue, avec ton chien, tu développes une relation, là, c'est plus que de l'amitié, c'est de la confiance. Fait que, tu sais, c'est normal pour nous autres que nos chiens, ils soient pas de l'est, là, tu sais, parce que pour nous, c'est normal, là, nos chiens sont élevés comme ça, à être lousses dans la rue, parce qu'on sait qu'il va rester là, il va rester à côté de nous, puis il est heureux comme ça, là, tu sais. Pourquoi se mettre une chaîne, là, tu sais, on peut pas... Nous autres, on veut pas être enchaînés à la société, fait que pourquoi qu'on enchaînerait nos chiens après nous autres, là? D'après ce que tu dis, là, chez vous, c'est plus du monde qui vit ou qui a vécu à la rue. Ouais. C'est du monde qui est pauvre, c'est du monde qui a pas forcément envie de se retrouver dans des centres communautaires, et même à ça, les chiens sont pas acceptés. Ils sont pas libérés. Alors c'est difficile d'avoir un animal, c'est difficile de pas avoir d'argent et d'avoir des lieux de rencontre et de rassemblement. Ouais. Par contre, chez vous, c'est possible. Ouais, chez nous, ça a toujours été possible. C'est ça qui est le fun, parce qu'on est une belle grosse gang, puis nos chiens, ben ils se retrouvent tous ensemble, puis c'est vivant, là, tu sais. Veux pas, quand tu te retrouves 10-20 personnes avec 10-20 chiens, ben c'est le fun, tu sais. Puis c'est le fun que tout le monde soit bienvenu avec leurs animaux, parce que chez nous, ben on se fera pas taper sa tête parce qu'on a tous nos animaux, là, tu sais. Ils peuvent tous se retrouver ensemble au même endroit, puis il y aura pas de ticket qui va tomber parce qu'on est plein de monde avec plein de chiens, ce qu'on pourrait pas faire nulle part ailleurs. Parce que les chiens, c'est pas les bienvenus tout partout. Même s'il y a un parc à chiens, ils disent « Ah, les chiens sont bienvenus », mais tu sais, mettre 10 punks qui arrivent au parc à chiens avec leurs chiens, je te garantis que la police arrive, ça prendra pas de temps. Puis tous les citoyens vont s'en aller avec leurs pauvres chiens parce que on a de l'air méchant avec nos chiens, tu sais. Puis c'est aussi le fait qu'à part dans les bars, t'as pas le droit de boire de bière nulle part. C'est ça. Fait que si t'as pas les moyens d'aller t'acheter une pinte à 8 piastres... Dans un bar. Fait que là, il faut que tu te retrouves à 4 parts pour aller boire. Fait que c'est chez nous. Et ça risque de changer, du coup, avec le condo qui est en construction en face de chez vous, parce que c'est pas le même genre de monde. C'est du monde qui a de l'argent, c'est du monde c'est qui peut aller consommer dans les règles inscrites de la société. C'est ça. Ça va changer, c'est et sûr. Et être tranquille avec leur conscience citoyenne. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça va changer. On pourra plus le faire. Puis c'est plate, c'est les effets, genre, de la revitalisation de Schlaga, c'est que ça va m'empêcher de vivre comme je veux chez moi. J'ai encore une question à te poser, dans le fond. Est-ce que c'est un choix pour soi d'être pauvre? Ouais, c'est vraiment un choix parce que j'ai pas de place dans la société, puis la société, elle veut pas me faire de place. Ils acceptent pas le monde qui sont marginal et différents. Fait que je préfère être pauvre puis heureuse que rentrer dans cette estime moule de merde-là. Il y a eu plusieurs occupations qui se sont produites dans Schlaga puis dans d'autres quartiers. Est-ce que toi, t'as participé à ces occupations? Non, moi, je participe pas parce que j'ai un dossier, puis je veux vraiment plus avoir de problème avec la justice, puis aussi parce que je veux pas que la police elle me spotte, puis qu'elle spotte mon appartement pour que ça finisse par faire de la merde chez moi. Fait que je veux pas avoir des répercussions jusque dans ma maison, mais je supporte à 100%. Je suis là de mon âme à 100%. reparlons-en de la démocratie. Ah, vous me faites rire, vous y croyez-vous à toute cette niaiserie? Du cœur se plaint, droit fermer nos gueules. Elle est belle, la souveraineté au peuple, faisant fi des questions de fond. Pff, c'est fatigant, comment faire face à ce défilé d'une pauvreté affligeante? Vu que j'ai pas à répondre aux fausses questions, bah j'irai pas voter. Veuillez me pardonner, mais je resterai sur le bas-côté de cette mascarade médiatique, gouvernée par l'image. Alors c'était Gang Desti. On va se retrouver dans 3 semaines sur En Profondeur, c'est Kayouti, émission francophone, avec une présentation qui va avoir lieu le 10 février à la Déferle à 19h sur la situation actuelle au Mexique, les luttes radicales, les luttes autochtones, les luttes anarchistes et la répression qui a lieu actuellement dans ce pays. On vous souhaite un bon 3 semaines, dormez bien et faites de beaux rêves. Me parlez plus de l'apologie de la violence, me parlez plus de sécurité urbaine, vu qu'elle justifie la pire absurdité humaine, vu qu'elle vend la peur et tout l'attirail qui rassure. Ferme ta télé, le tout sécuritaire est à la 1, à la 2, à la 3, à la 6. Le karcher ne suffit plus, faudra finir le travail à l'acide. Vos émissions sont tellement caricaturales, mais on sait comment s'expriment les frissons de la nomenclatura. Font des prisons au rythme des suppressions de poste, eux qui pensent que l'éducation n'est qu'une question de force. Dors mon enfant, demain sera pire encore. Et après-demain, pire encore, toujours plus de tempêtes. Pour qui sème le vent, le système s'entête dans un modèle vide de sens. Ah ça y en a, des belles promesses, mais elles finissent toujours par bonne nuit et faites de beaux rêves. Consommez, consommez mes enfants, et faites de beaux rêves. Et si on parlait d'une autre violence, celle de la publicité, celle qui prône l'arrogance, le déni de soi et la cupidité.